Je bonis là. Gros, j'en ai rien à branler de m'asseoir sur le divan de Drucker, tout est triangulaire. C'est le début de la fin pour tous les êtres vivants sur Terre. La cam est si pure, le produit est super. Faut que je récupère un peu ce que j'ai dû perdre. L'album entier écrit sur un cellulaire. Ils me trouveront toujours violent et vulgaire. Je prends des initiatives ici, ça tire. Il n'y a que la monnaie qui m'attire. C'est réel, salope, c'est triste à dire. Dans les pyramides, j'écris l'avenir. J'suis imbuvable, toxicomane incurable. Y'a rien de durable, j'touche pas ta cam infumable. J'ai eu un paquet d'occasions, avec le succès j'avais RTV. J'ai une carrière mémorable, plus mon nouveau projet LSDC. Cette pute elle aimait mon rap, mais c'est mon anus qu'elle aime léger. Suspect présumé coupable, c'est plus de me voir la tête baissée. T'inquiète c'est le mec tout, si on me laisse mort, allez vous faire foutre. Pas l'empereur en personne, j'débarque et j'baisse tout. Je suis en pleine forme. Écarte tes escortes, j'éclate des escortes. Auteur interprète qui vous divertit sur internet. Avant que les keufs nous interceptent, j'éjacule sur un dentier ou un serre-tête. Auteur interprète qui vous divertit sur internet. Avant que les keufs nous interceptent, j'éjacule sur un dentier ou un serre-tête. Imperfect, mon seul but c'est de faire imperfect. Imperfect, j'évite tous les coups, c'est imperfect. Imperfect, je peux me permettre de faire imperfect. Imperfect, dans vos sales gueules de pute imperfect. Comme Kennedy, je viens que pour les perfects, c'est tu de Valibo. Ça vend pas que des plaquettes, beaucoup de moyens sont bons. Pour faire des pépettes, fais parler ta tête et fais parler tes courants. Rallye sur au franchise dollar, c'est trop bon. Pépère, j'ai dans le RS, la vitesse c'est trop bon. Ramène tous les ronds ou ça t'arrache les tendons. Higo, je suis avec Al, KPOTE. On en fait toutes ces putains de putes. Faire imperfect, bien sûr que je peux. Jamais sans ma beuh ou mon shit. Vrai ou dit vrai, gangsta shit. Ça parle pas pour dire. Vrai ou dit vrai, gangsta shit. Ça parle pas pour dire. Je bonis. Auteur interprète qui vous divertit sur internet. Avant que les keufs nous interceptent, j'éjacule sur un dentier ou un serre-tête. Auteur interprète qui vous divertit sur internet. Avant que les keufs nous interceptent, j'éjacule sur un dentier ou un serre-tête. Imperfect, mon seul but c'est de faire imperfect. Imperfect, j'évite tous les coups, c'est imperfect. Imperfect, je peux me permettre de faire imperfect. Imperfect, dans vos sales gueules de